son journal, il remplit d'encre les ronds de lettres tels des petits pots qu'on ne distingue pas. Léo remplace Léa, Léa remplace Léo. Pas plus sensible qu'un lapin de terre. Accord impassible, accord impossible. Léo est sans cœur, Léa elle s'en va. Qu'il prend Léa dans ses rêves pour la lune. Il veut la rattraper, fait pour cela des jeux de mollets sur le monocycle de sa vie de clown par la force et les mots. Il veut dominer Mou. Son masque, l'œil de la nuit que Léo ne va pas fermer déride le visage de l'ennui. Dans ses nuits blanches, l'étoile de Léo danse, Léa hante de ses hanches. Lui qui était si fier d'être prêt à tout faire pour une nuit blanche transformée en page noire de son petit journal où Léo remplit d'encre. Et Léo et Léa. Et Léo remplace-la, car Léa, elle s'en va.